Chapitre 44e. L'avocat général se leva, mais en même temps quelques protestations confuses partirent des bancs des jurés. « Que voulez-vous, messieurs les jurés ? » demanda le président. « Nous désirons quelques minutes de suspension. Est-ce vraiment indispensable ? Nous sommes pressés par l'heure. Il faut absolument que nous finissions aujourd'hui. » « Le président ne veut pas qu'on reste sous l'impression de la déposition de Madame Dalifard, » dit Desvalières en se penchant vers Gontaut. « Il aura beau faire, l'effet produit, la parole de l'avocat général ne l'effacera pas. » Les jurés ayant insisté, il fallut bien que le président leur cédât et suspendit l'audience, mais il ne leur accorda que 10 minutes. À la reprise, l'avocat général se leva, et ayant posé ses deux mains sur sa toque placée devant lui, la tête légèrement tournée du côté des jurés, sans remuer les bras, sans faire un geste, il commença son réquisitoire. « Mon premier mot, messieurs les jurés, sera, si vous le permettez, un conseil. Isolez-vous, pour juger cette affaire qui vous a été soumise, des impressions du dehors. Le monde, toujours mobile lorsqu'il s'agit des passions humaines, s'est laissé entraîner dans les exagérations les plus fâcheuses. Mais en prenant place sur ces bancs, vous devenez des juges. Et le juge, messieurs les jurés, doit se recueillir dans le calme de la raison et l'impartialité de la conscience. Examinons donc, avec notre raison et notre impartialité, les faits qui vous sont soumis. Que voyons-nous tout d'abord ? C'est qu'ils sont constants. On ne songe pas à les nier, on est contraint par l'évidence de les avouer. C'est bien de la main de l'accusé que Francis Hérol, ce peintre de grand talent que les arts pleurent et pleureront longtemps, c'est de la main de l'accusé qu'il a reçu la mort. Et c'est par le bras de l'accusé que Madame Dalifard a été frappée. La situation dans laquelle ils ont trouvé la mort prouve qu'ils venaient de commettre un délit. Mais d'un délit, on ne se venge pas par un crime. Tout à l'heure, la parole éloquente qui répondra à la mienne vous peindra la souffrance de ce mari atteint dans son honneur et frappé dans ses affections. Et peut-être vous dira-t-elle qu'il est excusable parce qu'il a frappé dans le cas du flagrant délit. À l'avance, je proteste contre ce système. » Et alors il expliqua la théorie du code pénal sur l'excuse admise en faveur du mari qui surprend sa femme dans son domicile. Puis il examina les faits qui s'étaient passés avenue Raphaël, et il essaya de démontrer comment Adolphe était arrivé avec l'intention de tuer sa femme. Sa mère l'envoyait pour obtenir une séparation que la justice eût sûrement prononcée. Mais lui ne voulait pas de séparation. Il voulait se faire justice lui-même, se venger, tuer sa femme et son complice. Les preuves de cette intention homicide et de cette préméditation, il les trouvait d'abord dans ce revolver, promené ostensiblement au théâtre du Châtelet, où il n'avait que faire, et apporté ensuite avenue Raphaël, où il devait servir à perpétrer ce double crime. Enfin, il les trouvait encore dans le caractère sombre et cruel de l'accusé. Après avoir examiné longuement ces divers faits et discuté les dépositions des témoins sur le temps qui s'était écoulé entre la première et la deuxième détonation, il arrivait à cette conclusion que c'était au moment où Juliette se traînait aux genoux de son mari en implorant sa grâce qu'elle avait été frappée. Un pareil crime pouvait-il rester impuni ? Ce serait douter des lumières de messieurs les jurés que de le supposer. À une époque troublée comme la nôtre, où il fallait fortifier les bases de la famille et de la société, la répression ne devait pas faiblir. L'indulgence était possible, mais il fallait un châtiment. À la parole lente, calme et tempérée du ministère public, succéda la parole ardente, chaleureuse, passionnée de l'avocat. Lui ne s'adressait pas à des juges, mais à des hommes. Il ne faisait pas appel à leur raison, mais à leurs sentiments. Il ne frappait pas à la tête, mais au cœur. Pendant 3 heures, il raconta l'histoire de ce mariage et de ce ménage telle qu'elle a été faite dans ce récit, et il montra comment cette femme charmante, entraînée par la fatalité de la passion, avait été jetée dans un amour coupable. Mais en arrivant au fait de l'avenue Raphaël, il s'arrêta où Adolphe s'était lui-même arrêté. « Mon client, dit-il, m'a donné une leçon de discrétion et de délicatesse que je dois suivre, et c'est ici que ma position devient difficile. J'ai à défendre un homme de cœur, j'ai à défendre son honneur, et cependant je ne puis tout révéler. Assez de pénibles secrets ont été dévoilés au sujet de la malheureuse Juliette Nélis. Je ne dois rien dire. Cette femme, que la fureur d'Adolphe d'Alifar a frappée, cette femme porte son nom et celui de son enfant. Cette femme, il l'a aimée. Cette femme, il l'aime. Vous comprenez ma réserve. Ne m'interrogez pas. Tout ce que je sais, je ne puis vous le dire. Non, je ne le puis. À ce moment, il se produisit une vive sensation dans l'auditoire, et tous les yeux émus se fixèrent sur l'avocat. Mais il était penché sur son banc, et l'on ne vit que le jeune Desvalières qui, des yeux, des lèvres, des épaules, de toute sa personne, les mains exceptées, applaudissait avec enthousiasme. Après avoir prouvé à sa manière qu'entre la première détonation et la seconde, il ne s'était pas écoulé un temps qui permît la réflexion, l'avocat termina en montrant qu'Adolphe était une victime de l'adultère. Mais il n'était pas la seule, d'autres l'étaient comme lui, sa mère d'abord et enfin son enfant. Ce procès, messieurs, ne ressemble à aucun autre. Quand vous rendez un verdict d'acquittement, l'accusé sort heureux et triomphant. Lui, acquitté, sortira libre, mais malheureux. Qui lui rendra la femme qu'il a aimée, qu'il aime toujours? Ne voyez-vous pas qu'en la frappant, c'est lui-même que sa main a frappé et que les plus horribles tortures lui sont à jamais réservées? Le long murmure d'approbation qui avait succédé à cette plaidoirie était à peine calmé que le président, d'une voix forte qui domina le tumulte, commanda à l'huissier d'introduire le docteur Vérini. « Voilà le coup que je redoutais, » dit Gontaut. Et aussitôt l'expert, qui n'était pas loin, fit son entrée dans le prétoire. Après avoir prêté serment, il commença sa déposition en se tournant vers les jurés. « J'étais chargé de faire l'autopsie de Madame d'Alifar. Cette femme était très belle, et tout en elle indiquait une excellente constitution. Son corps portait la trace d'une blessure. Une balle, après l'avoir frappée au flanc droit, avait perforé l'intestin. Cette blessure était mortelle. D'après la direction du coup, il est probable pour nous qu'elle a été frappée alors qu'elle se traînait aux genoux de son mari. « Je proteste !» s'écria Gontaut. Mais sans se troubler, l'expert ouvrit le paquet placé sur la table des pièces à conviction et en tira une chemise rouge de sang qu'il déplia. Alors, la prenant par les deux manches, il la présenta au juré. Un long mouvement d'horreur parcourut l'auditoire et l'on entendit des cris étouffés. Si messieurs les jurés veulent bien regarder ce trou fait par la balle dans la toile, ils remarqueront que le coup a dû être tiré, comme je l'indique, de haut en bas. « Pardon, » dit l'un des jurés, « mais quand même le coup aurait été tiré de haut en bas, cela ne prouve pas que la femme se traînait aux genoux de son mari. Elle peut avoir été frappée étant couchée. » « Monsieur le juré, » interrompit sévèrement le président, « parlez à la cour. Si vous avez des éclaircissements à demander aux témoins, adressez-moi vos questions, je les transmettrai. Mais je dois vous faire remarquer que la solution de questions de ce genre doit être laissée aux gens techniques. « Précisément, je suis armurier, » dit le juré. « L'incident est clos, » conclut le président. « Monsieur le docteur, vous pouvez vous retirer. » L'expert ayant étalé la chemise sur la table, salua la cour et se retira. « Je proteste de toutes mes forces contre l'audition de ce témoin, » s'écria Gontaut. « Le dernier mot doit être à la défense. Par cette déposition tardive, il est à l'accusation. »« Vous oubliez le résumé, » dit le président. « Les débats sont clos. » Mais Gontaut ne s'était pas assis. « Je demande formellement qu'on enlève cette chemise sanglante. Mon client ne peut pas supporter cette nouvelle torture. » En effet, Adolphe était défaillant. « Enlevez ces linges, » dit le président, « je n'y vois pas d'inconvénient. » Et il se prépara à commencer son résumé. Mais à ce moment même, il se fit un mouvement dans les premiers rangs du public. Il était 6h30 et les comédiennes étaient forcées de quitter l'audience pour aller à leur théâtre. « Que toutes les personnes qui veulent partir sortent immédiatement, » dit le président d'un ton roide, « et ensuite qu'on ferme les portes. » Quand le silence se fut rétabli, il se tourna vers les jurés et d'une voix lente et sonore qui portait jusqu'au fond de la salle, il dit « La loi me fait un devoir, messieurs les jurés, de vous présenter les arguments qui, dans un sens comme dans l'autre, viennent de vous être exposés avec une grande éloquence. » Peu flatté de la comparaison, Desvalière fit une grimace significative. Son patron comparé à l'avocat général, allons donc. Cependant, le président s'engageait dans son résumé. Après avoir longuement développé les arguments du ministère public, il indiquait ceux de la défense. Il s'est étendu sur le réquisitoire pendant 1 h 12 min, dit Desvalières. Et il expédie votre admirable plaidoirie en 23 min, c'est trop fort. Sortez ou tenez-vous en repos, répliqua l'avocat impatienté. À ce moment d'ailleurs, il avait besoin de toute son attention, car le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lisait une lettre par laquelle une ancienne maîtresse d'Adolphe le remerciait du secours qu'il avait bien voulu lui envoyer, et la conclusion que le président tirait de cette lettre était que ce mari, qu'on avait représenté comme aimant si passionnément sa femme, n'avait point rompu toutes les relations de sa vie de jeune homme. Mais il n'a pas été question de cette lettre au débat, s'écria Desvalières indigné. Ce n'est pas là un résumé, c'est une accusation nouvelle. Encore une fois, taisez-vous, répondit Gontaut. Il faut subir ces choses-là. Si je protestais, le président m'interdirait la parole et mes confrères eux-mêmes ne me soutiendraient pas. Le président continuait. L'honorable avocat vous a parlé du remords comme le châtiment suffisant d'un pareil crime. Nous vous adjurons de vous tenir en garde contre de pareilles théories. Dans l'époque d'anarchie morale d'où nous vivons, il appartient à la justice de rappeler à la société qu'elle s'égare trop souvent de la ligne qui lui a été indiquée par Dieu. Que dans le roman, que sur le théâtre, on puisse trouver de l'indulgence pour un crime du genre de celui que vous avez apprécié, ceci, messieurs, ne doit pas vous troubler, et ses leçons expirent au seuil de la justice. À ces criminels, on a été jusqu'à donner, dit-on, la palme du martyr dans je ne sais quel livre malsain. Mais, à côté de ces livres, il en est d'autres qui rappellent les véritables principes religieux et sociaux. Et à ce sujet, je vous demande la permission de vous lire un extrait d'un ouvrage qui, s'il n'a pas la popularité pernicieuse de ses romans corrupteurs, a au moins le mérite d'avoir été puisé aux sources de la loi. Ayant atteint une feuille de papier, il se mit à lire cet extrait. « Il lit son livre sur le droit de punir !» s'écria Desvalières. « Quelle réclame !» Sa lecture achevée, le président reprit. Ce n'est pas la loi seule qui vous demande une condamnation, c'est la science elle-même qui, descendant dans ce prétoire, a formulé l'arrêt que vous venez d'entendre. Tels sont, messieurs les jurés, les charges et les moyens de défense qui vous ont été présentés successivement. Je n'insiste pas davantage. Vous avez déjà démontré, dans cette magistrature temporaire, que vous étiez digne des fonctions dont la loi vous a investi. Démontrez-le de nouveau. Le ministère public, toujours compatissant, vous a concédé les circonstances atténuantes. Ce sera à vous de voir, messieurs, si votre conscience vous permet de les accorder. » Il était temps que le président suspendît l'audience, car l'aimable Desvalières ne pouvait plus se contenir. « Quel résumé !» s'écria-t-il avant que les magistrats fussent sortis de la salle. Mais Gontaut n'entendit pas l'exclamation indignée de son jeune secrétaire. Il était, en ce moment même, entouré par un grand nombre de ses confrères qui lui serraient la main et le félicitaient. C'était son plus beau succès. L'affaire était certaine. Puis l'on tombait sur l'avocat général, qui avait été insuffisant. Décidément, il est meilleur dans les affaires civiles. Au civil, on trouve qu'il serait meilleur au criminel. C'est un triomphe pour le barreau. Cependant, Desvalières faisait son tour dans les premiers rangs de l'auditoire, et il recueillit avec béatitude les éloges qu'il entendait sur le compte de son patron. Dans le public, l'affaire était généralement gagnée. Cependant, il y avait des gens qui soutenaient qu'Adolphe ayant tué, devait être tué à son tour. C'était logique. Puis il y avait aussi ceux qui avaient été pour la condamnation après le réquisitoire de l'avocat général, pour l'acquittement après la plaidoirie de Gontaut, et qui maintenant, après le résumé, étaient de nouveau convaincus de la nécessité de la condamnation. Et alors, Desvalières, entendant cela, s'écriait de plus belle, « Quel résumé ! Ce n'est pas permis !»« Vous croyez ça ?» dit un vieil avocat auquel il adressait cette exclamation. « Eh bien, vous vous trompez. La Cour de cassation permet au président d'intercaler dans le résumé ce qui n'a pas été dit dans les débats. Le président est maître de son résumé. Et quand il s'efforce d'empêcher le jury de tomber dans ce que les magistrats appellent les entraînements de la défense, il croit accomplir un devoir. Dans 20 ans, vous serez peut-être président d'assises et vous ferez comme les autres. Jamais. Il n'en est pas moins vrai, dit un autre avocat, qu'en Belgique il n'y a point de résumé, et la justice ne s'en trouve pas plus mal. Jamais vous ne verrez dans la loi que résumé veut dire développer. Le plus sûr encore pour les présidents est de ne pas forcer la note. La lettre de l'ancienne maîtresse était de trop. Et la chemise sanglante. C'est un effet de province. Durand de l'Oriferne s'est cru à Chartres. L'armurier l'a collé. Cependant, le sort d'Adolphe se décidait dans la chambre des délibérations. L'anxiété ne dura pas longtemps. Au bout de 12 minutes, on entendit retentir la sonnette du jury. Quel était le verdict ? Un silence profond s'établit dans l'auditoire. 12 minutes de délibération, s'écria Desvalières. L'affaire est enlevée. Nous avons notre acquittement. Quelle tête le président va faire. Aussitôt que la cour va rentrer, je vais aller tout de suite demander l'ordre de sortie à l'avocat général. Ça le fera enrager. Les jurés rentrèrent lentement dans la salle. Tous les regards étaient ramassés sur le chef du jury, qui portait à la main une grande feuille de papier. La cour se fit attendre 1 ou 2 minutes. Enfin, elle arriva. Et le président s'assit sur son siège. Monsieur le chef du jury, veuillez donner lecture à la cour du verdict du jury. Le chef du jury se leva, et l'on remarqua que la main qui tenait la feuille de papier ne tremblait pas. Sur mon honneur et sur ma conscience, la réponse du jury est, sur toutes les questions, non. Un long murmure s'éleva de la foule, et quelques applaudissements éclatèrent çà et là. Le président étendit le bras, le silence se rétablit. Alors il prit des mains de l'huissier la feuille de papier que le chef du jury venait de lui faire passer, et pour la première fois, mettant lentement son lorgnon sur son nez, il lut attentivement à voix basse les réponses, et il les fit lire à ses deux assesseurs. Alors, regardant l'auditoire et parlant d'un ton sec, « Quelle que soit la décision du jury, il faut s'incliner devant elle. » Toute marque d'improbation ou d'approbation, si l'on s'en permettait, serait immédiatement réprimée. Huissier, veillez. Qu'on introduise l'accusé.